Sylvain, tu veux dire quelque chose? Non, je n'ai rien à dire, juste je close en disant que donc la nouvelle stratégie, c'est la prise de pouvoir. C'est pas seulement la participation, mais la prise de pouvoir dans les instances. En fait, je pense que Joël Potier, Université de Paris 6, bioinformaticien, et sur l'éducation aussi. En fait, je pense que la prise de pouvoir, elle sert à rien si l'état des choses reste tel qu'il est. C'est-à-dire que si nos collègues restent ce qu'ils sont, il n'y a aucune raison de prendre le pouvoir, sinon à faire la même chose que ceux qui sont déjà. Je ne vois pas comment on aurait le pouvoir de faire autre chose. En fait, les universités, par exemple, typiquement, se sont, bien avant la LRU, se sont mis le coup sous le couperet du ministère en acceptant la contractualisation en dehors de toute loi. C'est-à-dire que là, les universités étaient libres de choisir ou non de se contractualiser, c'est-à-dire en fait d'avoir leur crédit en fonction des équipes qu'elles proposaient au ministère et qui étaient acceptées ou pas. Donc ça, c'était bien avant la LRU, et la LRU a entériné le truc, mais on l'a déjà accepté, ça. Donc les universitaires se sont déjà courbés et couchés, et donc effectivement, on a effectivement les présidents qu'on mérite. Alors par ici, on a un président effectivement qui nous traite de fasciste parce qu'on a simplement fait un tract en disant qu'un des administrateurs était effectivement un banquier, ce qu'il est effectivement. Et ça n'a pas plu, et donc maintenant on est des fascistes. Alors à Paris 6, il y a eu aux dernières élections une bonne intersyndicale, on va dire, qui a bien résisté, qui a essayé, qui a presque failli faire vaciller le président en place. Bon, le problème c'est qu'il est passé à peu de voix près, et là, au jour d'aujourd'hui, on va dresser un constat après 2 ans. En fait, il n'y a aucune des décisions, enfin, toutes les décisions sont portées à la majorité absolue, puisqu'il a la majorité absolue avec principalement les personnalités extérieures, et il n'y a aucune concession, si minime soit-elle, qui est acceptée par le président et sa majorité. En fait, je pense qu'on devrait plutôt remettre nos... Je ne pense pas qu'il y ait des grandes batailles à faire. En fait, il y a des batailles à faire au niveau de notre travail à nous. C'est-à-dire que l'ESR, en fait, elle se raccroche à la fonction publique dans la mesure où on est l'endroit où on est le plus indépendant, c'est-à-dire le maître de conférence. Et le fonctionnaire le plus indépendant, c'est il choisit sa recherche, il choisit son enseignement, enfin il choisit tout. Ça existe nulle part ailleurs. En fait, il s'agirait plutôt d'étendre notre statut ailleurs à la fonction publique, de manière à étendre l'indépendance. Et c'est peut-être en ça qu'on pourrait rejoindre le combat fonction publique et ESR. Et je pense qu'on a plutôt donc à agir dans notre travail à nous, scientifiques de tous les jours, pour changer les choses. C'est-à-dire, par exemple, typiquement, la nouvelle organisation qu'on a à l'UPMC, c'est des gros instituts. Il y a un gros institut de biologie qui est en train de se créer, avec plein de petites équipes atomisées, avec des petits chefs d'équipe. Et dans le texte qui constitue ce truc-là, il y a une phrase qui est assez géniale, c'est que les équipes peuvent prendre l'organisation qu'elles veulent, et chaque équipe aura un chef d'équipe. Donc moi, je vois ça, je me dis, il y a une contradiction quelque part, mais il n'y a pas de contradiction, parce qu'en fait, il faut une chaîne de commandement de Pomerol, le président de Paris 6, jusqu'au plus petit d'entre nous, qui passe par les chefs d'équipe, les sous-chefs d'équipe, et tout, etc. Donc, si on ne s'organise pas comme on le souhaite pour travailler, et qu'on accepte cette organisation-là, bon, bah, on aura toujours les présidents qu'on méritera. Mais méritons-nous le président de la République, peut-être, d'ailleurs, mais alors là, ça devient un peu tragique comme interrogation. Donc, d'autres interventions ?